Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, retour sur l'un des dossiers diplomatiques les plus délicats de l'après-guerre, l'adhésion du Royaume-Uni à la C2E, la Communauté économique européenne, c'était en 1973. Depuis son avènement, l'Union européenne a été source de débats. S'unir, oui, mais pourquoi faire? Avec qui? Et jusqu'à quel point les États sont-ils prêts à aller dans la mise en place d'une plateforme politique commune sans dissoudre ces peuples dans une entité supranationale? Raconter l'histoire compliquée et mouvementée de l'adhésion de la Grande-Bretagne à la communauté européenne, c'est se plonger dans les premières années de l'Union, celles des 6 fondateurs, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Cette époque où tout était à construire sur un continent ruiné par la Seconde Guerre mondiale. Mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, précisément, les chemins du Royaume-Uni et de la France s'éloignent. L'un prend le large, l'autre tente de retrouver sa place au sein des grandes puissances. Ainsi, pendant plus de 10 ans, les deux pays se regardent en chien de faïence. À 2 reprises, en 63 et en 67, le général de Gaulle avait dit non à l'entrée de la Grande-Bretagne au sein de l'Europe des 6. 2 fins de non-recevoir qui claquent encore outre-Manche comme 2 humiliations. Enfin, pourquoi a-t-il refusé l'entrée de l'allié anglais? Quel risque prenait, selon lui, l'Europe des 6 en acceptant l'entrée du Royaume-Uni? Près de 50 ans après, que reste-t-il de ces années de disputes? Et surtout, à la lumière de Brexit, quel est le bilan, finalement, du passage des Anglais dans l'Union européenne pendant 46 ans? Pour répondre à ces questions et pour nous aider à comprendre la situation d'aujourd'hui, d'un Brexit qui n'arrive pas à se mettre en marche, une situation quasi ubuesque, nous recevons en seconde partie Philippe Thurle, journaliste britannique et chroniqueur international à France 24. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Hélène Biziot. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Of the earth, enjoying a temperate and equable climate, I wish to speak to you today about the tragedy of Europe. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être reçu par votre vénérable université et je voudrais vous parler de la tragédie de l'Europe. Quand Winston Churchill entame son allocution le 19 septembre 1946, l'homme vient de perdre la dernière bataille de la Seconde Guerre mondiale, non pas celle des armes, mais celle du vote, oui, en juillet 45. Et contre toute attente, il est battu aux élections. La guerre est terminée, le temps des héros également. C'est donc un homme libre de tout mandat qu'il s'exprime ce jour-là pour rappeler aux Européens que si les canons cessaient de tuer, les horreurs passées peuvent encore se répéter. Pour cet homme, incarnation du courage et de la vision en politique, il n'y a qu'un seul remède face à ce risque, reconstruire la famille européenne. Under and within that world concept, we must recreate the European family in a regional structure, called it may be the United States of Europe. Il faut dresser un cadre de telle manière que la famille européenne puisse se développer dans la paix, la sécurité et la liberté. Nous devons ériger quelque chose comme les États-Unis d'Europe. À l'époque, ils ne sont qu'une poignée sur le continent européen à penser que la paix ne peut se construire sur une simple relation de vaincus et de vainqueurs. Non, les coupables doivent être jugés. Mais c'est dans ce moment de répit, justement, qu'il faut construire les fondements d'une paix durable. Et pour y parvenir, il faut que la France et l'Allemagne deviennent des partenaires, dit Churchill. Dans cette tâche impérieuse, la Grande-Bretagne et le Commonwealth seront des compagnons et des alliés fidèles. En avant l'Europe, conclut Churchill. Dès le lendemain, la presse du monde entier se fait l'écho de ce discours inattendu. À Londres, on reconnaît l'habileté de l'ancien Premier ministre à lancer des pierres qui ne font pas que des ronds dans l'eau, mais qui provoquent une vague, même s'il est le seul à le penser à l'époque. Mais une fois de plus, il a raison, car si l'idée reste cloisonnée à quelques cercles, l'avenir commun entre les ennemis d'hier fait son chemin. Pour preuve, le 9 mai 1950, le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, fait une déclaration qu'on considère comme l'acte fondateur de l'Union européenne. Inspiré par Jean Monnet, le ministre français propose la création d'une organisation qui mettrait en commun les productions françaises et allemandes du charbon et de l'acier. Un an plus tard, ils seront 6 États à entrer dans cette communauté. En 1957, une nouvelle étape de la construction européenne est franchie avec la création du marché commun qui permet la libre circulation des personnes, des biens et des services au sein de la C2E, Communauté Européenne Économique. Les Britanniques sont invités à la table, mais ils refusent de prendre parti. Jamais son digne représentant n'ouvrait la bouche, sinon pour y insérer sa pipe. Enfin, un jour, il demande la parole à la surprise générale, mais pour tenir le discours d'adieu, se remémore Jean-François Deniau, secrétaire général permanent de la délégation française à Bruxelles. C'est que les Britanniques pensent avoir d'autres cartes dans leur jeu, une relation riche avec le Commonwealth et une amitié solide avec les États-Unis, ça compte. Sauf qu'en 1960, alors que les premières réussites du marché commun s'accumulent, les Britanniques jouent leur propre partition en créant avec certains pays, comme le Danemark et la Norvège, l'Association européenne de libre-échange. Bref, ils jouent perso. En France, à la même époque, après la faillite de la 4e République sur la question algérienne, le général de Gaulle revient au pouvoir. Que pense-t-il du projet européen ? Au sein des pays partenaires, on se méfie des humeurs de l'homme du 18 juin. En 1940, il s'était prononcé en faveur d'une fédération des vieilles nations. Presque 20 ans après, sa politique est toujours dominée par la volonté de rendre sa place à la France et son rôle dans le monde. Alors, eh bien, va pour l'Europe. Après tout, hein, si elle permet de sauvegarder l'indépendance du pays, notamment face aux alliés américains. De l'autre côté de l'Atlantique, on s'intéresse et on s'interroge sur l'influence grandissante de cette nouvelle organisation européenne. L'idéal serait d'avoir un allié de poids au sein de l'organisation, mais qui ? L'Amérique verrait d'un bon œil l'entrée des Britanniques au sein de la communauté, surtout que l'accord de libre-échange imaginé par les Anglais avec d'autres pays d'Europe fonctionne mal et ne permet pas de concurrencer le marché commun. Le 24 avril 1961, le secrétaire d'État au Trésor, Douglas Dillon, prend formellement position pour une entrée du Royaume-Uni au sein du marché commun. Quelques semaines plus tard, le président américain John Kennedy est à Paris. Et, tout naturellement, on l'interroge sur cette question. Et là, JFK se montre prudent et un brin moqueur. Avez-vous discuté avec le général de Gaulle du problème de l'adhésion de la Grande-Bretagne au marché commun ? Les États-Unis conseillent-ils au gouvernement français de faciliter l'adhésion de la Grande-Bretagne au marché commun comme membre à part entière ? They would know that on those matters on which regarding General de Gaulle's views that the most authoritative place to secure them is General de Gaulle. Cette réponse qui fait rire le public peut être traduite en ces termes. Ce qui importe au général de Gaulle, c'est que de toute façon, la décision soit toujours favorable aux intérêts du général de Gaulle. Américains comme Britanniques savent alors que la clé de l'Europe se trouve en France. Le 31 juillet 1961, le premier ministre anglais Harold Macmillan annonce aux membres de la Chambre des communes la décision de son gouvernement de déposer une demande officielle d'adhésion à la communauté européenne. Le mariage aura-t-il lieu ? Quels événements vont retarder cette union ? Quand Macmillan annonce son choix dans les colonnes des journaux du Monde, c'est le conflit entre les deux blocs, soviétiques et américains, qui fait la une chaque mois. En avril 1961, les Américains tentent de débarquer à Cuba. C'est la baie des cochons, un fiasco majeur. En août, à Berlin, les Soviétiques entament la construction d'un mur. Le monde se crispe. C'est dans ce contexte que débutent les discussions autour de l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun. Le 10 octobre 1961, Edward Heath, chargé par le gouvernement anglais de présenter sa candidature anglaise, expose au ministre des Affaires étrangères des Six un premier pensum avec les observations et les requêtes britanniques. Londres est-elle prête à ratifier le traité de Rome ? Oui et non. Le Royaume-Uni ne souhaite pas s'y opposer, mais demande quelques adaptations, notamment au sujet de son lien et de ses accords avec le Commonwealth. Car en 1961, alors qu'en France, l'indépendance de l'Algérie n'est plus qu'une question de mois, le Royaume-Uni conserve ses ambitions et son influence avec ses anciennes colonies autour d'une multitude d'accords économiques. Bien. Les Six écoutent, reconnaissent le besoin d'imaginer des exceptions, mais ne souhaitent pas que ce nouvel entrant change la philosophie et les règles imaginées au départ. Les six acceptent donc d'entrouvrir la porte au Royaume-Uni, mais refusent de tout changer. Et puis enfin, le repas a avancé sans eux, alors ou ils prennent le train en marche, ou ils restent à quai. Au même moment, le Français Christian Fouché, en charge d'imaginer un projet sur l'avenir politique de l'Union, présente un premier texte aux six pays fondateurs. Favorable à une Europe des États, c'est Charles de Gaulle qui propose au président allemand, puis à l'ensemble des pays partenaires, l'ouverture d'une commission sur ce sujet. Mais en octobre 61, la présentation ne se passe pas comme prévu. Le projet suggère une coopération en matière de politique étrangère et de défense avec la création d'un conseil constitué des chefs d'État ou de gouvernement qui se réunirait trois fois par an et qui prendrait ses décisions à l'unanimité. D'abord intéressés, les pays partenaires sont désormais réticents. De plus, les Pays-Bas voient dans ce projet une nouvelle difficulté à surmonter pour les Britanniques dans leur acte de candidature. Mais de Gaulle tient tête. Quelques mois plus tard, Christian Fouché présente une seconde version du projet. Rebelote, le plan Fouché est enterré, de Gaulle prend note. Les Britanniques avancent, leur Premier ministre entame sa tournée des capitales européennes. Les 2 et 3 juin 62, Harold Macmillan est en France pour s'entretenir avec le général de Gaulle. Alors, quel est le ton de cette entrevue? Cordial, évidemment. Dans les articles du lendemain, les proches du président français laissent fuite l'idée que le général a été impressionné et même surpris par la détermination du représentant anglais à intégrer la famille du marché commun. Quelques jours plus tard, à Oxford, lors de la pose de la première pierre d'un futur pavillon français, le premier ministre britannique poursuit à distance sa campagne de séduction. Il se passe en ce moment, en Europe, des événements d'un intérêt palpitant. Et c'est pour les Européens le moment de faire leurs preuves. Une occasion se présente en particulier aux deux vieilles et fières nations de France et de l'Angleterre. Nous avons chacun nos traditions et nos convictions. Ces traditions et ces convictions ne sont pas un obstacle au rapport étroit entre nos deux nations. Pourtant, tout reste à faire. Dans ses mémoires, le ministre français des Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville, met en avant l'un des points de tension entre les deux pays, à savoir le lien qui unit Londres et Washington. La Grande-Bretagne était insulaire, par nature tournée vers les lointains, elle recherchait avant tout l'accord américain. Pouvions-nous alors avoir une politique commune, se demande le ministre français. Oui, c'est cette question qui taraude les représentants à Paris. Pour le général de Gaulle, la France doit autant résister à la menace soviétique qu'assurer son indépendance et celle de la communauté face à l'Amérique. Surtout qu'à l'époque, les tensions sont de plus en plus fortes entre les deux blocs. Mais que pense le peuple britannique de cette candidature? Y est-il favorable? Pendant cet été 62, des reporters de 5 colonnes à la une traversent la Manche pour interroger des députés britanniques. Je suis contre l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Je ne l'accepterai que si le marché commun devient le 8e membre de l'association de libre-échange ou s'il fait partie du club économique de Commonwealth. Parce que qu'est-ce qu'on peut apporter à l'Angleterre? Seul, pas beaucoup. Mais nous sommes le centre d'un système assez stable en politique assez riche économiquement. Et si nous pouvons faire une accommodation, des arrangements pour le Commonwealth, nous pouvons apporter beaucoup. J'espère que l'Europe serait en effet un pays, qu'on n'aurait plus de passeport, que tout le monde parlerait anglais, peut-être, et français d'ailleurs. En septembre 62, les négociations entrent dans le vif du sujet. L'un des enjeux de la discussion entre les six et le Royaume-Uni concerne par exemple la question agricole. Si ce qu'on appelle la PAC est imaginée dès le traité de Rome, elle entre en vigueur au début de l'année 62, justement. Cette politique agricole commune a pour objectif d'accroître la productivité, de stabiliser les marchés, d'assurer un niveau de vie équitable à la population et des prix raisonnables aux consommateurs. Mais quelques mois après sa mise en place, peut-on imaginer l'intégration d'un nouvel acteur avec d'autres règles? Le Royaume-Uni refuse en effet de modifier son système préférentiel pour le Commonwealth et souhaite des périodes de transition plus longues que les 7 années et demie imaginées par les 6. Alors, les mois passent, les réunions se ressemblent, mais personne ne se rassemble. Dans chaque domaine, les avancées sont minimes. Au cours d'un débat aux communes, un député travailliste ironise en ces termes. En fait, nous voulons rejoindre une équipe de football à condition qu'elle change, de telle sorte que finalement, ce sera une équipe de cricket. Lors d'un vote, l'ensemble des députés travaillistes votent contre l'adhésion. L'acte de candidature se grippe peu à peu. Pendant l'automne 62, sur la scène internationale, les tensions entre l'URSS et les États-Unis franchissent un nouveau cap. En octobre, les Américains découvrent l'installation de rampes de lancement de missiles soviétiques à Cuba. La peur d'une guerre atomique fait la une. Finalement, les Soviétiques font marche arrière, mais le monde entier a senti le vent de boulet. Quelques semaines plus tard, en décembre 62, lors d'une rencontre à Rambouillet entre De Gaulle et le Premier ministre anglais, les questions de défense ainsi que de l'arme atomique sont abordées. Pour l'heure, la France n'est pas encore une puissance nucléaire, à l'inverse du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'URSS. Mais le général a un avis sur cette question. Pour lui, la force atomique doit être maintenue sous contrôle national et non au sein d'une force commune. Harold Macmillan acquiesce. Sauf que, 4 jours plus tard, il s'envole pour Nassau, Bahamas, où l'attend le président américain. L'objet de la rencontre, la signature d'un accord militaire et diplomatique entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Les Anglais acceptent de coordonner durablement leur politique étrangère en échange du renforcement de la coopération dans le domaine du renseignement et du nucléaire militaire. De plus, Londres fait le choix d'utiliser les fusées américaines Polaris comme nouveau vecteur de ses missiles. De Gaulle avait prévenu, le 14 janvier 1963, lors d'une conférence de presse, il met carte sur table. Pour lui, la Grande-Bretagne n'est pas prête à intégrer l'Europe des Six. Mais la question est de savoir si la Grande-Bretagne, actuellement, peut se placer avec le continent et comme lui, à l'intérieur d'un tarif qui soit véritablement commun, de renoncer à toute préférence à l'égard du Commonwealth, de cesser de prétendre que son agriculture soit privilégiée et encore de tenir pour caduques les engagements qu'elle a pris avec les pays qui font partie de sa zone de libre-échange. Cette question-là, c'est toute la question. On ne peut pas dire qu'elle soit actuellement résolue. Est-ce qu'elle le sera un jour ? Seul, évidemment, l'Angleterre peut répondre. À la surprise générale, le président français met fin de facto aux négociations d'adhésion du Royaume-Uni au sein du marché commun. Dans ce long réquisitoire, il brosse le portrait de la communauté économique européenne, rappelle son histoire et les objectifs que se sont fixés les 6 en s'unissant. Le général souhaite une Europe européenne, pas atlantique. L'Amérique est un allié, mais la France n'est pas son vassal. Dont acte. Le lendemain, la presse mondiale titre sur le nom français « La crise est ouverte ». Le 16 janvier 1963, le ministre des Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville, demande à ses collègues de la communauté de suspendre la négociation avec les Britanniques. Tous refusent, mais acceptent cependant de décaler la discussion à la fin du mois. Dans le même temps, à Paris, la réconciliation franco-allemande franchit une nouvelle étape avec la signature du traité de l'Élysée qui renforce les liens entre les deux pays en matière de sécurité et de diplomatie. À la fin du mois, les négociations au sujet de l'adhésion du Royaume-Uni sont annoncées closes. Alors, est-ce la fin de l'entente cordiale ? Quand les Britanniques feront-ils partie de la communauté économique européenne ? Manchester et Liverpool, je me revois flânant le long des rues. Au milieu de cette foule, parmi ces milliers d'inconnus. Manchester et Liverpool, je m'en allais dans tous les coins perdus, en cherchant ce bel amour que près de toi j'avais connu. Je t'aime, je t'aime, que j'aime ta voix qui me disait je t'aime. monastère des murs tristes, et Liverpool vient pleurer sur la mer. Je ne sais plus si j'existe, les bateaux blancs craignent l'hiver. Manchester est sous la pluie, et Liverpool ne se retrouve plus. Dans la brume d'aujourd'hui, l'amour, lui aussi, s'est perdu. Je t'aime, je t'aime, j'écoute ta voix qui me disait je t'aime, je t'aime. Vous êtes pour ou contre l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun? I think we ought to go in, yes. Vous estimez que, que la Grande-Bretagne devrait entrer? Why? Pourquoi? Well, I think we all ought to stick together as Europe. Nous devrions être tous ensemble, nous unir tous en Europe. Against. Vous êtes contre? Why? Pourquoi? I think it'll increase our cost of living. Parce que ça va faire augmenter le coût de la vie. Yeah, we accept that. I feel that we should definitely enter for future... J'estime que nous devrions entrer. For future purposes. Pour l'avenir. But as to whether, on my understanding as a British man in the street, the position is acceptable to General de Gaulle and the other members... Mais je ne sais pas si, en tant qu'homme de la rue, je ne sais pas si notre position économique est acceptable pour le Général de Gaulle et pour les autres. Is, in my opinion, extremely doubtful for many years to come. Donc, c'est encore très douteux pour de nombreuses années à venir. In some respects, yes. In other respects, dans une certaine no. mesure, oui. Dans no. d'autres, non. When it comes to a question of the price of food, no. En 1967, 10 ans après la signature du traité de Rome, le Royaume-Uni frappe de nouveau à la porte de la communauté économique européenne. Il faut dire que depuis 4 ans, la situation a durablement évolué. En France, le pouvoir et l'influence des généraux sont au plus haut. Il a été élu pour la première fois au suffrage universel. L'Empire, comme les guerres de décolonisation, ne sont plus que des souvenirs. La croissance et la création de richesses augmentent de jour en jour. De l'autre côté de la Manche, le Royaume-Uni est en plein doute, notamment sur le plan économique. Sa croissance stagne et elle est bien loin des taux enregistrés par les États du marché commun. Désormais, l'île a peur de se retrouver seule au sein d'une Europe prospère et par ricochet d'être délaissée par l'allié américain qui pourrait s'unir à l'avenir à d'autres puissances européennes. Pour les travaillistes désormais au pouvoir, l'une des solutions aux maux du Royaume-Uni est d'entrer dans la C2E. Pourtant défavorable lors de la première candidature, le Parti travailliste s'est converti à cette idée. Harold Wilson, le Premier ministre, nomme l'europhile Gordon Brown au Foreign Office, qui entreprend dès le mois d'octobre 1966 une tournée des capitales des États du Commonwealth, de la zone de libre-échange, qui fonctionne toujours tant bien que mal, ainsi que les capitales des pays de la Communauté économique européenne. Dans ce contexte, les 6 seront-ils plus à l'écoute que la première fois ? Le marché commun, comme la politique agricole commune, sont désormais solidement entrés dans les mœurs et les pratiques des 6 pays. Mais 2 dossiers restent encore en chantier, le projet politique et celui de la défense. En 1965, une nouvelle crise fait rejaillir les conceptions divergentes entre la France et ses partenaires. Face à l'évocation d'une modification du principe du vote à l'unanimité dans la prise de décision au profit de la règle majoritaire, Charles de Gaulle décide de suspendre la participation de la France aux réunions du Conseil des ministres des pays membres et de la CE. Cette crise de la chaise vide dure 6 mois. En janvier 66, au Luxembourg, un compromis est signé. Le vote à l'unanimité reste la règle en cas de question dite d'intérêt vital. Bref, l'Europe avance mais reste fragile. Le Royaume-Uni prendra donc son temps. Le 10 mai 67, devant la Chambre des communes, le Premier ministre anglais présente le projet de demande d'adhésion de Londres à l'Europe. Six jours plus tard, le général de Gaulle réagit lors d'une conférence de presse. Il reste ouvert, mais énumère la liste longue, très longue, des obstacles à franchir. Au lendemain de ses déclarations, une bonne partie de la presse européenne en déduit que tout est encore à faire. En Belgique, le quotidien La Cité estime par exemple que De Gaulle veut imposer au Royaume-Uni un long purgatoire. L'Écho de la Bourse parle d'un veto qui n'ose pas dire son nom. Même son cloche de la part du quotidien social-démocrate allemand, la Neue Zeitung, qui titre « De nouveau, non ». La presse européenne voit-elle juste ? En juin, le Premier ministre Harold Wilson est à Paris pour s'entretenir avec le général. Et lors d'une conférence de presse, il semble optimiste. Est-ce que vous croyez, après vos entretiens, que le gouvernement français est vraiment convaincu, que vous êtes vraiment décidé à agir ? Et est-ce que vous avez pu les persuader de votre conviction et de votre sincérité d'entrer dans le marché commun ? Et si oui, est-ce qu'ils estiment que votre proposition est une menace ou un espoir ? Naturellement, il appartiendra au gouvernement français de répondre à cette question. Pour ma part, je suis convaincu que la réponse à la première question est oui. En ce qui concerne la deuxième question, est-ce que votre proposition est une menace ou un espoir ? La réponse est peut-être aussi oui. À la rentrée de septembre 67, la Commission donne un avis favorable et recommande l'ouverture des négociations avec les pays candidats, dont le Royaume-Uni. Sauf qu'au cours de l'automne, la situation économique anglaise s'aggrave. La livre chute et les capitaux quittent l'île. Le 17 novembre, le ministre des Affaires étrangères britannique est en France pour parler de l'adhésion au marché commun. Lors de cette visite, il déclare au sujet de la monnaie anglaise « Il n'est pas question de dévaluer ». Très bien. Oui, sauf que trois jours plus tard, le premier ministre anglais dévalue la livre. La montée de fièvre sur les marchés, les chassés-croisés téléphoniques entre les différentes banques centrales ont eu raison du patient anglais. Le général ne laisse pas passer l'occasion. Le 24 novembre, lors d'une conférence de presse, il expose sa vision sur la situation actuelle de l'Europe, le marché commun et l'adhésion, ou non, du Royaume-Uni. Le marché commun actuel est incompatible avec l'économie telle qu'elle est de l'Angleterre, dont le déficit chronique de sa balance des paiements prouve le déséquilibre permanent et qui comporte, quant à la production, aux productions, aux sources d'approvisionnement, à la pratique du crédit, aux conditions du travail, des données dont ce pays ne pourrait les changer sans modifier sa propre nature. Marché commun incompatible aussi avec la façon dont s'alimentent les Anglais, tant par les produits de leur agriculture subventionnés au plus haut, que par des vivres achetés à bon compte partout dans le monde, notamment dans le Commonwealth. Marché commun compatible avec l'état du sterling, tel que l'ont mis en lumière de nouveau la dévaluation, ainsi que les emprunts qui l'ont précédé et qui l'accompagnent. Pas très engageant tout cela, et finalement le général claque une nouvelle fois la porte. On peut imaginer, par exemple, une zone de libre-échange s'étendant à tout l'Occident de notre continent. On peut imaginer aussi une espèce de traité multilatéral du genre de celui qui sortira du Kennedy Round et réglant entre 10, 12, 15 États européens leur contingent et leurs tarifs réciproques et respectifs. Mais dans un cas comme dans l'autre, il faudrait d'abord abolir la communauté et disperser ses institutions. Et je dis que cela, la France ne le demande certainement pas. Enterrement de première classe, comme en 1963, devant la presse du monde entier, le général de Gaulle rejette la candidature britannique. Et encore une fois, c'est au ministre des Affaires étrangères, Maurice Court de Murville, que revient la lourde charge de débiner le terrain au sein de la C12. Après de vifs débats sur la forme et le fond, le 19 décembre 1967, le Conseil constate l'absence d'accord pour l'ouverture de négociations avec les candidats. Alors, pour retenter sa chance, le Royaume-Uni devra être patient et retrouver une santé économique et sans doute le départ de son meilleur ennemi, le général de Gaulle. Eh bien, c'est chose faite, 2 ans plus tard. Après les événements de mai et l'échec au référendum, le général de Gaulle démissionne en avril 1969. En juin, Georges Pompidou lui succède. Une nouvelle page de l'Europe s'écrit. Dès son entrée à l'Élysée, il demande la tenue d'une conférence au sommet entre les 6 pour ouvrir la voie à un nouvel élargissement de la communauté européenne. Le 30 juin 1970, les négociations avec le Royaume-Uni reprennent. Oh, elles sont longues, houleuses et complexes, notamment au sujet de la contribution britannique versée au titre des prélèvements agricoles. Le peuple anglais, lui, assiste de loin à ces débats dont il ne comprend pas pour l'instant l'impact sur sa vie. Il a de quoi se poser la question. Après 2 revers, est-il encore temps d'entrer dans la famille européenne? Le 1er janvier 1973, l'Europe des 9 voit le jour. Après des mois de négociations avec les pays partenaires, le Royaume-Uni donc, mais aussi l'Irlande et le Danemark, les 3 intègrent la communauté économique européenne. 2 ans plus tard, revenu au pouvoir, le Parti travailliste organise un référendum sur le maintien ou non de son pays dans la communauté. 64,5% des Anglais votent pour le maintien. 43 ans plus tard, le 23 juin 2016, c'est le départ qui l'emporte avec 51,9% des votes, c'est le fameux Brexit. À chaque fois qu'il nous faudra choisir entre l'Europe et le grand large, nous choisirons le grand large, redit Winston Churchill au général de Gaulle la veille du débarquement en 1944. Eh bien, ce 23 juin 2016, les Anglais l'ont pris au mot. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'entrée du Royaume-Uni dans l'Europe et sa sortie, enfin programmée. Bonjour, bonjour Philippe Thorle. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste britannique et chroniqueur international à France 24, originaire de Canterbury, en Angleterre. Vous êtes en France depuis 35 ans, ancien journaliste à RFI et correspondant pour Sky News, la BBC et ITN à Paris. Voilà, on compte sur vous pour nous éclairer sur cette histoire embrumée. La Grande-Bretagne va-t-elle quitter l'Europe et dans quelles conditions? Que va-t-il se passer maintenant? Nul le sait, à vrai dire, les Britanniques pas plus que les autres. autres. Nous sommes en plein dans le fog british. On y reviendra, bien sûr. Un mot, quelques mots quand même, sur le récit de la Grande-Bretagne, l'entrée de la Grande-Bretagne en Europe. Dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Anglais sont ambigus hein, sur leurs intérêts, leur motivation de participer ou non à une union politique européenne. Notre invité, lors de la première diffusion de ce récit, Anthony Bélanger, spécialiste de géopolitique sur France Inter, nous disait, j'avais trouvé l'analyse intéressante, que les Britanniques portaient sur l'Europe, l'Europe naissante, un regard du genre, mais qu'est-ce que c'est que cette Europe construite par les vaincus de la guerre, en gros, qu'est-ce que c'est que ce truc de loser? Est-ce qu'il y a dans ce comportement des Anglais d'aujourd'hui par rapport à l'Europe, un pied dedans, un pied dehors, quelque chose de ce ressort-là? Absolument. C'est une mentalité qui est ressortie aussi bien vivant qu'en 1945. Mmh. Je dirais que ça ne nous a jamais vraiment quitté, hein, les Britanniques. À savoir qu'à la fin de la guerre, c'était la Grande-Bretagne seule face à Hitler, face à la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Et on n'a jamais vraiment oublier ce moment, et quelque part, parce que pour beaucoup de Britanniques, c'est nous qui avons gagné la guerre, que l'Europe nous doit quelque chose, l'Europe nous doit une faveur, l'Europe est redevable envers les Britanniques. Et donc, pourquoi est-ce que les Britanniques doivent se trouver sous le contrôle de Bruxelles, sous l'emprise de cette Union européenne qui dirige ce qu'on fait, qui nous impose des lois, qui nous impose des réglementations qu'on ne veut pas. Et donc, même aujourd'hui, en 2019, ce sentiment est toujours aussi vif que depuis toujours. J'ai toujours connu. Il y a des moments où c'était moins virulent, mais je dirais depuis quelque temps, c'est revenu à la charge. Et maintenant, on se dit, bon, plus vite qu'on quitte l'Union européenne, pour beaucoup de Britanniques, hein, pas la totalité, mais pour ceux qui sont favorables au départ, plus vite qu'on quitte l'Union européenne, mieux que ce sera pour notre pays. Parce qu'on retrouvera notre indépendance. Est-ce que c'est un sentiment qui persiste chez les jeunes générations? Ou est-ce que c'est chez les gens de nos âges, on va dire? Il y avait un entretien très intéressant avec un ancien ministre de Margaret Thatcher qui s'appelle Michael Heseltine, il y a quelques jours, qui est maintenant un vieux monsieur, qui disait la chose la plus tragique, c'est que 70% des personnes ont voté pour nier à 70% des jeunes la libre circulation et la chance d'être dans l'Union européenne. Et je pense que si les jeunes avaient voté plus ou auraient pu voter aujourd'hui de nouveau, ils voteraient majoritairement en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Pour la simple raison que pour eux, c'est l'avenir, c'est la libre circulation, c'est quelque part l'auberge espagnole, Erasmus, tout cela. Beaucoup de questions se posent sur l'avenir de tous ces programmes, la facilité de voyager, de pouvoir aller s'installer où on veut en Europe. Rien n'est moins sûr aujourd'hui. Alors comment expliquer que finalement, et malgré ce sentiment historique qu'on expliquait tout à l'heure, le Royaume-Uni ait posé sa candidature, tenté de rattraper le train en marche dans les années 60, et ça a été un combat. Ça a finalement réussi à marcher en 73, mais quel combat? Alors quelle était la motivation là? Je dirais que la motivation, il y en avait deux. La première, c'est que, comme c'était très bien expliqué dans le documentaire qu'on vient d'écouter, la Grande-Bretagne ne voulait pas se mettre avec le reste de l'Europe, parce que c'était des vaincus et nous, on était les vainqueurs. Et donc, on a créé autre chose, la zone de libre-échange, en concurrence avec le EEC de l'époque, le European Economic Community. Et on avait une économie qui marchait bien. Et puis après, on a commencé à se remarquer que ça allait pas si bien que ça. Et que avec l'Allemagne, avec la France, ça allait plutôt bien. Donc les Britanniques disaient, bon, ça serait peut-être une idée pour nous de rejoindre l'Union européenne. Et il y avait aussi une défiance envers la France, c'est le deuxième point. On disait que la France ne veut pas de nous, la France est notre éternel ennemi, c'est facile, au moins rival, il est juste quoi. En face, rival, ouais, voilà. Ouais. Il est très commode parce qu'il est juste en face et on peut se détester mutuellement, mais on est comme un vieux couple, on est obligé de rester ensemble. Eh ben, c'est peut-être mieux pour nous de rentrer dans l'Union européenne. Je suis assez âgé pour me souvenir très bien de l'époque de l'adhésion de la Grande-Bretagne en 73, et je dirais que je me souviens d'une période d'effervescence, d'enthousiasme pour les gens, j'étais petit garçon, mais les gens que je fréquentais à l'époque, d'excitation de faire partie de ce grand club, de s'aligner avec l'Europe, c'était notre avenir. Et petit à petit, après cette période, le déchantement a commencé à s'installer petit à petit, surtout dans les années 90-2000. Disons dans les années 70-80 ça a été, mais ça commence à déchanter à partir du mercredi noir en 92 quand la Grande-Bretagne a été obligée de quitter le mécanisme de règlement de taux d'échange. On a évidemment porté toute la responsabilité sur le dos de l'Europe. Et il y a autre chose aussi qui est très important à dire, c'est que pour beaucoup de politiques britanniques, ils avaient trouvé un bouc émissaire, mais idéal avec l'Union européenne. Quand il y avait un problème en Grande-Bretagne, c'est l'idée qui fait son chemin maintenant partout. Hein. Voilà. Ben, il y avait. Je ne peux pas faire ce que je veux parce que l'Europe m'empêche. C'était complètement faux, mais c'était trop facile comme raisonnement. Et couplé à celui-là, cette idée, c'était une presse de droite farouchement anti-européen qui racontait un peu n'importe quoi. On commençait avec le Sun, le fameux journal qui était vendu à l'époque People. Presque à 4 millions d'exemplaires par jour, qui était 100% derrière Margaret Thatcher, qui était très anti-européen, qui était suivi par le Daily Mail et le Daily Express. Et c'est ces journaux-là qui ont poussé les Britanniques à voter en faveur du Brexit. Alors, puisque vous parlez de Margaret Thatcher, il faut qu'on s'arrête quand même sur ce qui s'est passé en 79. Dès son arrivée au pouvoir, au 10 Downing Street, elle souhaite renégocier la contribution britannique au budget européen. C'est le fameux « I want my money back ».« Money back ».« Money back ». Oui, bah forcément, vous le dites mieux que moi. Même si j'essaye, vous le dites mieux que moi. La bataille durera 5 ans et sera remportée finalement par la Dame de Fer. Quelles ont été les conséquences de cette première vraie grande crise? Je dirais que c'est une victoire pour la Dame de Fer. Oui. Elle a réussi à obtenir deux choses. D'abord que l'Europe cède et qu'on lui redonne l'argent qu'on ne lui devait pas d'ailleurs pour une politique agricole commune dont la Grande-Bretagne devait payer ce qui lui était dû. Et également, elle a réussi à reconfirmer sa stature comme une vraie négociatrice face à Bruxelles, face à Valéry Giscard d'Estaing d'abord et ensuite à François Mitterrand. Et on disait à l'époque en Grande-Bretagne, vous voyez, quand Madame Thatcher est dans la même pièce avec Valéry Giscard d'Estaing, et lui, bah, il devient un petit garçon face à la maîtresse d'école. Donc, c'était quelqu'un qui avait une vraie poigne et qui défendait la Grande-Bretagne face à l'Europe. Et je pense, quelque part, ça a aidé la Grande-Bretagne à accepter cette position qui était la sienne dans l'Union européenne, parce que disait avec elle, qui mène la bataille, on est sûr d'obtenir ce qu'on voudrait, et donc on n'a pas trop de crainte à se faire. Et c'est ce qui s'appelle, de la part de Margaret Thatcher, créer une brèche, hein, parce que... C'est exact. Bon, alors on va voir comment cette brèche s'élargit, d'année ou de paquet d'années en paquet d'années, en 83, donc on est 4 ans après ce qu'a dit Margaret Thatcher. Michael Foot, dirigeant du Parti travailliste, publie un brûlot où il dit, je le cite... La phrase est forte, hein. Quand nous arriverons au pouvoir, nous ouvrirons des négociations préliminaires avec les autres États membres pour établir un calendrier, écoutez bien, de retrait. Vous savez quoi, Fabrice, en 1983, c'était l'année où Jeremy Corbyn était élu pour la première fois député dans la Chambre des communes. Et aujourd'hui, nous avons à la tête du Parti travailliste quelqu'un qui ressemble beaucoup à Michael Foot, qui était chef de parti de l'époque, à savoir quelqu'un qui était anti-européen pendant toute cette période. Il a toujours voté contre toute la législation pro-européenne qui était présentée à la Chambre des communes. Et quand, On a eu le référendum en 2016. Jeremy Corbyn a très, très mollement milité en faveur du maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, principalement parce qu'en face, il savait que il y avait David Cameron et le Parti conservateur et ses propres troupes qui voulaient que la Grande-Bretagne reste. Mais dans lui, sa personnage, son personnalité, c'est quelqu'un qui est franchement anti-européen. Donc nous avons à la tête du Parti travailliste un peu la sosie de Michael Foot aujourd'hui en 2019. Alors je continue à dérouler les différentes étapes. On arrive en juin 85, les Britanniques refusent de signer les accords de Schengen. Et concernant la question monétaire, bah même son cloche, hein, lors du sommet de Maastricht, les Anglais demandent et obtiennent une clause d'exemption opt-out, concernant la charte sociale, mais aussi au sujet de la monnaie unique. Donc, s'ils le souhaitent, les Britanniques pourront ne pas changer de monnaie. C'est ce qui s'est passé, ils n'étaient pas dans la zone euro. Eh bien, je vous propose d'écouter la réaction de François Mitterrand à ce choix. C'est à la fin du sommet européen de 1991. Le fait qu'un pays sur 12, ce qui était prévu, n'ait pas pu enrayer la marche en avant de la communauté, c'est à mes yeux un point considérable. Et le fait que les autres se soient retrouvés à 11 sur 12 est également un point considérable. Donc, si je regrette, bien entendu, encore il n'y a pas de divorce dans cette affaire. On reste tous dans l'Union européenne et on continuera de travailler ensemble. Si, sur ces deux points, l'un de ces pays s'est absenté, j'ai l'impression que, dans l'état actuel des choses, cela facilitera les démarches européennes. En attendant qu'on se retrouve à 12. Voilà, il faut marcher sur des œufs, hein, dans ces cas-là. Alors, il faut dire que l'Union européenne a toujours été très diligente vis-à-vis des Britanniques. Les Britanniques ont toujours eu ce qu'ils ont demandé. Presque toujours. On a parlé tout à l'heure de « I want my money back » avec Margaret Thatcher. Et elle a gagné. Elle l'a eu. On ne voulait pas faire partie de la zone de Schengen. On l'a eu. Mmh. On ne voulait pas rejoindre l'euro. On ne l'a pas fait. Chaque fois que les Britanniques ont demandé, ont refusé, pour avoir la paix, pour progresser ensemble, Bruxelles a, pour ainsi dire, toujours cédé. Et ça fait longtemps, comme je vous avais dit tout à l'heure, que je vais en France, ça fait 35 ans, depuis 1984. J'ai vu énormément de choses évoluer et changer depuis toutes ces années. Et je regrette beaucoup que, quand je lis la presse, j'entends les politiques de droite, de l'aile droite du Parti conservateur, qui sont farouchement pour le Brexit. Ils racontent un peu n'importe quoi, sauf ce que l'Union européenne a pas accordé à la Grande-Bretagne. En fait, la Grande-Bretagne a tout eu pour être heureux, pour rester dans l'Union européenne. Et c'est uniquement pour des querelles dans le Parti conservateur lui-même que le Brexit a vu le jour. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec ce que l'Union européenne nous a apporté. Ça, c'est pas une spécialité britannique. Hein. Très souvent, c'est le danger du référendum. Les électeurs ne répondent pas toujours à la question qui est posée par le référendum. Jamais. Et même jamais. Jamais d'une seconde, David Cameron, qui était le Premier ministre de l'époque en 2016, croyait que les gens allaient voter pour partir, un peu comme pour le référendum de 2005 sur la Constitution européenne, où la France pensait que ça allait juste être une formalité, et finalement, les Français ont voté contre. Mais c'était contre la politique de Jacques Chirac, comme bien sûr. 2016, c'était contre la politique de David Cameron et les conservateurs. Est-ce que vous êtes tombé de votre chaise quand le Brexit a été voté, qu'il a trouvé une majorité? Comment vous avez réagi? J'étais à la radio la veille au soir et on a annoncé les sondages qui disaient « Ah ben c'est bien, les Anglais ont voté en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'Union Européenne ». Je suis rentré chez moi en disant « Ouf, c'est fait, on n'a pas de souci à se faire ». Je me couche le lendemain matin, je me réveille à 6h pour aller faire un autre plateau ailleurs et j'écoute la radio britannique qui m'annonce que finalement c'était un départ qui était voté. Je n'arrivais pas à sortir du lit. J'étais tellement choqué, j'ai dit, c'est une blague. Je m'y attendais pas et il m'a fallu quand même un certain temps pour accepter cette idée qui était pour moi, mais la fin d'une époque et une désastre qui s'annonçait. Quelques semaines plus tard, après le vote du Brexit, hein, Boris Johnson, nouveau chef de la diplomatie britannique, est en France. Je vous propose d'écouter cette déclaration. La dernière chose que je voulais était d'aller contre David Cameron ou le gouvernement. Mais après un long déchirement, il n'y a rien d'autre que je pouvais faire. Je militerai pour la sortie de l'UE parce que je veux un meilleur accord pour les gens de ce pays, pour leur faire gagner de l'argent et pour reprendre le contrôle. Voilà de quoi il s'agit, mais je ne prendrai pas part à de nombreux débats télé face à des membres de mon parti. Je me contente de donner mon avis si on me le demande, et le voilà. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'abord, pourquoi est-ce que Boris Johnson a voté pour le départ? C'est parce que David Cameron, qui était Premier ministre, a voté pour rester. Et il a fallu quand même 15 jours de réflexion de la part de Boris Johnson pour prendre une décision, parce que c'était quelqu'un jusqu'à ce moment-là qui était franchement pro-européen. Et David Cameron a plaidé avec Boris Johnson pour qu'il le soutienne, mais Boris Johnson se disait, si je le soutiens, je serai après la caniche de David Cameron. Il faut que je me fasse un personnage, créer quelqu'un qui soit la défenseur des petits gens. De toute manière, on gagnera pas ce référendum. Et je vous invite à voir les images de Boris Johnson le soir même de sa victoire. Il est blême, parce qu'il s'y croyait pas, et je pense que dans sa tête, il se disait, eh ben maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire. Bon, et on ne sait pas ce qu'ils vont faire, vos compatriotes. Que va-t-il se passer maintenant? Que peut-il se passer? Je vais préciser ma question. Quelle est la prochaine étape? Alors, il y a une réunion tout à l'heure, à 17h, qui est importante. Aujourd'hui, Theresa May doit voir les membres de son parti pour parler de son deal et de voir s'ils sont prêts à la soutenir. À condition que si elle reçoit leur soutien, elle négocie son départ avec une date fixe pour quitter le pouvoir. Après cela, à 19h, il y aura une vote dans la Chambre des communes sur un nombre d'amendements, parce que les politiques britanniques ont repris le contrôle pendant une journée de la Chambre des communes pour faire passer une série d'amendements pour savoir exactement quel type de Brexit ils veulent, que ce soit un no deal, que ce soit un référendum, que ce soit qu'on reste dans les zones douanières, qu'il y a toujours la libre circulation des citoyens. Tout ça, on va voter les uns après les autres pour voir s'il y a un consensus sur une ou deux mesures. Ensuite, on connaîtra le résultat ce soir. Et selon ce résultat, on revotera peut-être demain ou après-demain sur le deal de Theresa May qui a été rejeté déjà deux fois, je vous rappelle, en janvier et en mars, pour savoir si on vote une troisième fois ou pas. Si le deal passe, on quittera l'Union européenne le 22 mai. Si le deal échoue, on quittera l'Union européenne probablement le 12 avril. C'est clair? C'est très clair. Et moi, je pense que c'est une autre hypothèse, parce que c'est la question qui brûle toutes les lèvres. Est-ce qu'on peut imaginer un nouveau référendum? Et pour le coup, une réponse là qui serait non, on reste. Alors, je vous réponds oui, c'est possible dans les deux cas de figure. D'abord, aujourd'hui même, la fin du Brexit va être discutée dans la Chambre des communes pour voir s'il y a un consensus dessus. Je pense qu'il n'y en aura pas. Mais si, par exemple, l'Union européenne accorde aux Britanniques un délai encore plus long, à savoir un an ou 18 mois sur la sortie du pays de l'Union européenne, ils peuvent le faire en disant « on vous l'accorde, mais à condition que vous tenez un nouveau référendum ou vous tenez des élections ou vous nous présentez un nouveau Brexit avec d'autres propositions, là vous auriez votre prolongation pendant un an ou peut-être plus. » On n'est pas encore là, il faut voir ce qui se passe aujourd'hui, demain et le 12 avril ou le 22 mai. Donc, mais comme dans tout dans le Brexit, tout est extrêmement compliqué. Juste une dernière chose, aujourd'hui il y a les amendements qui sont votés. Les deux meilleurs amendements seront rediscutés lundi. Lundi c'est le 1er avril, le 1er avril c'est le poisson d'avril. J'ai noté toutes les dates, le calendrier va effectivement se passer. Beaucoup de choses, merci infiniment Philippe Tarle.